إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 42 dans l'explication du livre Al-Mulakhas Al-Fiqhi et on est encore dans Kitab Al-Zaka et aujourd'hui on va faire Babun fi Zakat Al-Fitr, c'est-à-dire un chapitre au sujet de Zakat Al-Fitr, c'est-à-dire la Zakat à la fin du Ramadan. Ça c'est pas Zakat, ça c'est pas la zakat de l'islam qui est le cinquième pilier, mais c'est la zakat qui est obligatoire de payer à la fin du Ramadan. Et on va expliquer qu'est-ce qui se rapporte à ça. Toutefois, avant de commencer, on va mentionner juste un point au sujet du hadith qu'on a mentionné au dernier cours à propos de zakat urud tijara, le zakat des biens. On a mentionné le hadith qui est rapporté selon Abu Daoud par l'imam Abu Daoud selon Samura. On avait dit qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya'muruna an nakhruj ou nukhrij zaka mimma na'udduhu lil bay'. Et ce hadith là il est da'if, c'est le hadith 1562 dans Sunan Abi Daoud dans Kitab al-Zaka. Toutefois il est déclaré da'if par le cheikh Mohamed Nasruddin al-Albani dans Irwa al-Ghalil, le hadith numéro 827. Donc c'est juste pour vous tenir au courant à ce sujet-là. Toutefois, les preuves au sujet de zakat al-tijara, elles sont quand même établies par l'ijma et aussi par le fait que les biens des gens, la plupart de leurs biens, c'est des biens matériels et non pas seulement de l'argent. D'accord? Et donc, du moment que quelqu'un possède des biens dans le but de faire du commerce avec, donc ça veut dire que ces biens-là augmentent. Et donc, du moment que ces biens-là augmentent, alors ça devient obligatoire de payer la zakat si ça a atteint le nisab et si ça fait un an que la personne a ces biens-là. Donc, alhamdoulilah. Donc là, on commence, Inch'Allah, avec Zakat al-Fitr, comme on avait dit. Étant donné qu'on a avancé l'heure cette nuit, donc on commence maintenant tout de suite. On est une demi-heure en retard, en réalité, parce que là, il est 7h30 au lieu d'être 6h30. Et donc, à l'avenir, Inch'Allah, ça va être... on va le faire à 7h30 jusqu'à ce que le temps commence à baisser pour le Fajr, pour donner un peu de temps à après la prière de Fajr yani. Donc le cheikh il commence en disant Zakat al-Fitr min Ramadan al-Mubarak. Tusamma bidhalika li'anna al-Fitr sababuha. Fa'idafatuha ilayhi min idafati al-shay'i ila sababih. Wa ad-dalilu 'ala wujubiha al-kitab was-sunnah wal-ijma'. Qala Allah ta'ala qad aflaha man tazakka. Wa qala ba'd as-salaf المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر وتدخل في عموم قوله تعالى وآتوا الزكاة وفي الصحيحين وغيرهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. Donc, le cheikh il dit que la zakat de fitr, zakat al-fitr, on l'appelle comme ça, et c'est la zakat du ramadan. D'accord? C'est la zakat du ramadan, et on l'appelle zakat al-fitr, parce que sa cause, la cause de cette zakat, c'est al-fitr. C'est-à-dire qu'on brise le jeûne. Donc on l'appelle la zakat du fitr, parce que c'est la zakat que lorsqu'on termine le jeûne du ramadan. Et donc, c'est comme si on associe quelque chose à sa cause. Et donc, c'est de là que vient son nom. La preuve de l'obligation de zakat al-fitr, c'est le Coran, la sunna et l'ijma, le consensus. Le Cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 14, surat al-A'la, certes a atteint le succès celui qui s'est purifié, ou celui qui a fait az-zaka, qui a tazakka, comme il dit. Qad aflaha man tazakka. Al-falah, c'est le succès, et tazakka, yani, c'est purifié. Et le Cheikh, il dit que certains parmi les salafs ont expliqué ce verset-là en disant que c'est celui qui fait sortir la zakat al-fitr. Ça, c'est une des explications dans le tafsir de ce verset-là. Et aussi que le cheikh il dit que ça rentre dans le sens général du verset 43 dans Surat al-Baqarah et des autres versets qui mentionnent la zakat, wa atuz zakat. Donc, dans le sens général de atuz zakat, il y a zakat al-fitr. Okay? Et aussi, il mentionne un hadith qui est rapporté dans al-Sahihayn, al-Bukhari wa Muslim. Et ainsi que dans d'autres livres de hadith également, il y a la mention que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là qui est rapporté selon Ibn Omar, le fils d'Omar ibn al-Khattab, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire la zakat al-fitr. Et la quantité, il a mentionné, c'est sa'an min tamar ou sa'an min sha'ir, c'est-à-dire une sa' de date ou une sa' d'orge. Et il dit que c'est obligatoire pour l'esclave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ala al-abdi wal-hur, c'est-à-dire c'est obligatoire pour l'esclave et le libre, pour le mâle et la femelle, c'est-à-dire pour l'homme et la femme, et pour l'enfant et l'adulte, parmi les musulmans. Et donc ça c'est rapporté par al-Bukhari et Muslim. وقد حكى غير واحد من العلماء اجماع المسلمين على وجوبها. Et il y a plusieurs ulama qui ont mentionné le consensus des savants au sujet de son obligation. Donc dans ce cas-là, on considère que c'est obligatoire. Et à cause de toutes ces références-là qu'on a mentionnées. Le Cheikh dit والحكمة في مشروعيتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وشكرا لله تعالى على إتمام فريضة الصيام. Le cheikh dit que la sagesse dans le fait que la zakat al-fitr ait été ordonnée et légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que c'est une purification pour le jeûneur de toutes les fautes ou de toutes les mauvaises choses ou les mauvaises paroles qu'il aurait pu dire durant son jeûne. Donc c'est pour purifier son jeûne, c'est-à-dire pour se purifier des fautes qu'il aurait pu commettre durant ce mois-là. C'est aussi une nourriture pour les pauvres, parce que ce jour-là c'est un jour de fête, c'est le jour de Eid. Donc les pauvres ont besoin également de fêter avec les musulmans qui ont de l'argent, pardon, les musulmans qui ont des richesses. Donc s'ils ont de la nourriture pour ce jour-là, ils vont pouvoir faire eux aussi, ils vont pouvoir manger de la bonne nourriture ce jour-là et fêter avec tout le monde. Wa shukrun lillahi ta'ala ala itmami faridati siyam. Et aussi c'est une manière de remercier Allah subhanahu wa ta'ala en complétant ou plutôt c'est une façon de remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de compléter cette obligation du jeûne. Donc on le remercie en faisant un genre de zakat ou sadaqa pour les pauvres, en donnant de la nourriture. وتجب زكاة الفطر على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى صغيرا كان أو كبيرا حرا كان أو عبدا لحديث ابن عمر الذي ذكرنا قريبا ففيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وفرض معنى ألزم وأوجب. Le cheikh dit que c'est obligatoire, donc comme on a dit, pour les hommes et pour les femmes, pour les petits et pour les grands, et aussi pour les esclaves et pour les gens libres. Et comme ça c'est prouvé par le hadith qu'on a mentionné tout à l'heure, qui est rapporté selon Ibn Omar. Et dans le hadith, le prophète Ibn Omar dit farada, ça veut dire obligé ou rendre obligatoire quelque chose. Donc c'est une preuve que c'est obligatoire. Ensuite, le cheikh il dit wa kama anna fi al hadith aydan bayan miqdar ma yukhraj an kulli shakhs wa jinsu ma yukhraj fa miqdaruha sa'un wa huwa arba'atu amdad وجنس ما يخرج هو من غالب قوت البلد برا كان أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو أقطا أو أقطا أو غير ذلك أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكله في البلد وغلب استعمالهم له كالأرز والذرة وما يقتاته الناس في كل بلد بحسبه. Donc le cheikh il dit que, comme on voit dans le hadith aussi, il y a l'explication de la quantité que chaque personne doit sortir et la catégorie de biens ou de nourriture que la personne doit faire sortir. Donc la quantité c'est une sa. Et on a expliqué, lorsqu'on a expliqué la zakat des fruits, pardon, la zakat des fruits et des grains, on a expliqué que une sa équivaut à 4 moud, et on a expliqué que les moud c'est la quantité de deux poignées de main, deux mains collées, hein, quand on colle nos deux mains ensemble, puis on fait une poignée avec, on peut la remplir, donc ça c'est une moud. Et c'est la grosseur des mains d'un adulte de taille moyenne. D'accord? Donc, on prend 4 poignées de la nourriture qu'on prend, soit le cheikh il dit qu'il faut que ce soit de la nourriture que la plupart des gens mangent dans ce pays-là, hein, qu'est-ce qu'on appelle khout. Et al-khout, c'est qu'est-ce que les gens mangent à chaque repas en général. C'est quelque chose qui est utilisé comme pour presque pour chaque repas dans un pays spécifique, selon la coutume ou selon l'habitude des gens dans différents pays. Hein, il y a des pays où on mange du riz, par exemple, à chaque repas. Ça, c'est presque obligatoire, ou bien presque à tous les repas. Donc ça fait partie du plat principal qu'on mange dans certains pays. C'est dans presque le tiers monde en entier, c'est presque comme ça. Sinon, si c'est autre chose, comme par exemple dans certains pays, je sais, comme par exemple en France ou en Europe ou dans le nord de l'Afrique, par exemple, je sais que au Maroc, en Algérie, les gens mangent beaucoup de pain. Quand ils mangent quelque chose, ils mangent avec du pain. Donc ça fait partie de ces choses-là, du blé, hein, comme le cheikh il dit que tu fais sortir dans la nourriture que les gens mangent de tous les jours. Soit que c'est du blé ou de l'orge ou des dattes ou des raisins secs ou n'importe quelle chose que les gens mangent en général dans ce pays-là et que les gens utilisent. Donc tu peux aussi le faire sortir avec du riz ou avec des grains d'autres céréales ou autres. Donc selon le pays et selon qu'est-ce que les gens ont l'habitude de manger. Donc, on a connu maintenant, maintenant on connaît la quantité. C'est 4 amdad. Et on connaît également la catégorie de nourriture qu'on doit faire sortir. Et quand on dit 4 amdad, ça c'est pour une personne. D'accord? 4 mud, c'est pour une personne. Donc, 4 poignées de main. Puis, si par exemple, le chef de la famille, c'est le chef de la famille qui fait sortir pour sa famille. D'accord? Ceux qui sont sous sa charge. Donc, si par exemple dans la famille il y a le mari, sa femme et deux enfants, supposons, alors dans ce cas-là, ça veut dire que en tout, ça fait il y a 4 personnes, donc il doit sortir 16 mud de nourriture, donc, parce que c'est 4 fois 4. Ok? Et le cheikh il dit: وكما بينا صلى الله عليه وسلم وقت إخراجها وهو أنه أمر بها أن تؤدى قبل صلاة العيد فيبدأ وقت الإخراج الأفضل بغروب الشمس ليلة العيد ويجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين وقد روى البخاري رحمه الله أن الصحابة كانوا يعطون قبل الفطر يوم بيوم أو يومين كما فكان إجماعا منهم. Ok, le cheikh il dit que le temps qui, dans lequel on doit faire sortir la zakat al-fitr, il dit que c'est que annahu amara biha. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a expliqué quand est-ce qu'on doit faire sortir zakat al-fitr. Et il a dit qu'on doit faire sortir zakat al-fitr avant la prière de l'Aïd. Hein? Et le temps de faire sortir la zakat al-fitr, le meilleur temps c'est après le coucher de soleil la nuit de l'Aïd. Ça veut dire supposons que c'est le dernier jour du ramadan après le coucher de soleil, eh bien, à partir de ce moment là c'est le meilleur moment de faire sortir la zakat al-fitr, et on a jusqu'à la prière de l'Aïd le lendemain matin pour la faire sortir, c'est-à-dire pour la payer. Donc ça veut dire qu'il faut se dépêcher pour la payer, parce que celui qui la paye après le lever de soleil, celui qui paye la zakat al-fitr après la prière de l'Aïd, eh ben c'est pas considéré comme zakat al-fitr, c'est considéré comme une sadaqa ordinaire. Donc, il y a un temps limité pour payer la zakat al-fitr, ou bien pour donner la zakat al-fitr aux pauvres. Il faut que la zakat ait été remise aux pauvres avant la prière de l'Aïd. Ok? Donc, le meilleur temps, on a dit, le meilleur temps pour la donner, c'est après le coucher de soleil, le dernier jour de Ramadan. Et le cheikh dit que c'est permis toutefois de la sortir 2 jours à l'avance. 1 jour ou 2 à l'avance. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari, rahimahullah, qui dit que les sahaba, ils donnaient leur zakat al-fitr 1 jour ou 2 à l'avance. Et donc ça c'est comme considéré comme une forme de consensus entre eux, puisqu'ils le faisaient de cette façon-là. الشيخ يقول وإخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل فإن فات هذا الوقت فأخر إخراجها عن صلاة العيد وجب عليه إخراجها قضاء لحديث ابن عباس من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ويكون آثما بتأخير إخراجها عن الوقت المحدد لمخالفته أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh dit que le mieux c'est de la faire sortir avant la prière, avant la prière de l'Aïd. Et s'il manque ce temps-là, c'est-à-dire s'il la sort sa zakat après ce moment-là, Dans ce cas-là, il doit quand même la payer, la faire sortir sa zakat al-fitr. Même s'il a été en retard, il doit quand même la faire sortir qada'an. C'est-à-dire, c'est comme pour réparer le fait qu'il a été en retard, il doit quand même la faire sortir parce que c'est obligatoire pour lui. Toutefois, il n'a pas la même récompense. Hein? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne le hadith qui est rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah, qui dit, celui qui a donné sa zakat avant la salat, donc c'est une zakat qui sera acceptée. Et celui qui la donne après la salat, donc c'est une sadaqa parmi les sadaqat. Donc ça veut dire que c'est comme une aumône ordinaire. C'est pas considéré comme zakat al-fitr s'il la donne après la salat de Eid. Et il est considéré comme étant dans le péché pour avoir retardé le fait de la sortir dans son temps qui a été délimité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi il est dans le péché du fait qu'il a contredit l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis donc il y a une chose qu'il faut faire attention aussi dans ce sens là c'est que souvent c'est les mosquées qui ramassent les zakat et qui la distribuent. Et j'ai écouté souvent les durus de Cheikh Saleh Al-Fawzan Hafizahullah, et il dit que ça ne compte pas de la donner à la mosquée. Il ne faut pas la donner à la mosquée, il dit, parce que souvent, ou bien ni à la mosquée, ou bien il ne faut pas la donner non plus à des organisations. Il dit que il ne faut pas non plus la payer en argent, il faut la donner en nourriture. Et il faut la donner nous-mêmes. Le mieux, c'est de la donner nous-mêmes. Ou bien de donner à quelqu'un, disons l'argent, quelqu'un qu'on connaît, à qui on fait confiance, pour qu'il fasse sortir la zakat pour nous. Si on le donne à quelqu'un, c'est comme si on lui donne cette responsabilité-là. Donc, il va faire sortir cette zakat pour nous. La condition, c'est qu'il doit la donner avant le temps, hein, comme on a dit, avant la prière de Eid. Toutefois, des fois, les gens donnent leur argent à la mosquée et ils n'ont aucune garantie, aucune certitude que cette zakat fit va être distribuée avant la prière de Eid. Parce que le temps est court. Donc, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramassent de l'argent. Les mosquées, il y en a des mosquées qui ramassent de l'argent et ils accumulent de la nourriture. Donc les gens ont donné leur zakat ou le fitr à ces mosquées-là pour que leur zakat soit payé. Toutefois, des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils n'arrivent pas à distribuer la zakat, le fitr, avant la prière de Eid. Et donc, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là, c'est que les gens ont donné leur responsabilité aux mosquées de distribuer pour eux les zakat ou le fitr, et qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est pas respecté, donc. C'est dommage de gaspiller, disons, ou bien de pas donner nous-mêmes notre zakat al-fitr et de chercher nous-mêmes à la distribuer ou de la donner à ceux qui méritent cette zakat al-fitr. Et les organisations, c'est la même chose, des fois ils ramassent de l'argent pour envoyer dans d'autres pays pauvres. Et ils disent qu'il y a des pauvres, par exemple, qui sont dans ces pays-là, qui sont plus en besoin que des pauvres qui sont, par exemple, ici au Canada ou bien en Europe. Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est que ils envoient l'argent dans ces pays-là, mais ils distribuent pas toujours la zakat al-fitr avant la prière d'Eid. Et donc, ça aussi, ça cause un problème. Il y a aussi les gens qui viennent donner leur zakat al-fitr en argent. Et il faut pas la donner en argent, il faut la donner en nourriture. Et si tu donnes ta zakat fitr en argent juste quelques heures avant la prière d'Eid, alors c'est impossible que les gens aillent acheter à cette heure-là de la nourriture pour aller la distribuer aux pauvres à temps. Donc il faut donc se préparer à l'avance pour sortir la zakat al-fitr et pour la distribuer à temps aux personnes qui en auront besoin. En tout cas, je le trouve pas en ce moment, donc je vais laisser ça. Mais ce hadith, je l'ai entendu déjà, puis si je me souviens bien, il est accepté, yani il est sahih. Ou s'il n'est pas sahih, il est hassan en tout cas. Mais j'ai déjà entendu des ulama mentionner ce hadith comme une référence, comme une preuve. Donc j'aurais juste à chercher comme il faut, parce que là il m'a échappé, yani, pendant la révision. Donc malheureusement, c'est man addaha قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. C'est un hadith rapporté par Abu Dawood. Le hadith c'est 1609. Et selon Ibn Majah, et le hadith c'est 1827. En tout cas, donc c'est ça. Attendez, juste un instant. 1827. Non, donc. J'ai vérifié dans le Sunan Sahih, Sunan Ibn Majah, il est mentionné Hassan par le Cheikh Mohamed Nasser Al Albani. Mais bon, donc ça, je pense que c'était la version de Abu Daoud qui est mentionnée ici. Toutefois, dans celle qui est rapportée par Ibn Majah, il est mentionné Hassan. Donc au moins on sait que c'est accepté comme hadith. Ensuite, le Cheikh dit ويخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعن من يمونهم أي ينفق عليهم من الزوجات والأقارب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أدوا الفطرة عن من تمونون. Donc le Cheikh dit que tu dois faire sortir la zakat pour tous les gens qui sont sous ta charge, hein? Tous les gens qui sont sous ta charge et que tu es obligé de, disons, de dépenser de tes biens pour eux. Ça fait partie de tes responsabilités de t'occuper d'eux dans l'islam. Donc, il mentionne Al-Azwaj ou Al-Aqarib, les épouses et les proches, donc ceux qui sont sous ta charge. À cause de la preuve générale qui est mentionnée dans le hadith, أدوا الفطرة عمن تمونون, c'est-à-dire donner la fitra pour ceux, ou payer, donner la fitra, zakat al-fitr, pour ceux dont vous êtes responsable. Et ça c'est rapporté par Darqutni et Al-Bayhaqi, et c'est un hadith qui est rapporté selon Ibn Omar. Et il est déclaré Hassan dans Irwa al-Ghalil, le hadith 839. D'accord. Et donc c'est ça. Le chef de la famille, il fait sortir la zakat pour ceux qui sont sous sa charge. ويستحب إخراجها عن الحمل لفعل عثمان رضي الله عنه. Il dit que c'est recommandé de faire sortir aussi zakat al-fitr pour l'enfant. Pour le fœtus, yani même un bébé dans le ventre de sa mère, c'est bon de faire sortir zakat al-fitr pour lui. Donc on le compte, même s'il n'est pas encore né, on le compte parmi les gens pour qui on fait sortir zakat. Et il dit que c'est à cause de qu'est-ce que Othman ibn Affan radiallahu anhu, il faisait ça. Et il dit que c'est rapporté dans Ibn Abi Shayba, dans Musnad ibn Abi Shayba, et aussi dans des athars qui sont mentionnés dans Al-Musannaf de l'imam Abdurrazzaq As-San'ani. Donc ça c'est des athars qui sont mentionnés à ce sujet-là. Donc le cheikh il dit que ça c'est mustahab, c'est recommandé de le faire, c'est pas obligatoire. Après il dit وَمَنْ لَزِمَ غَيْرَهُ ومن لزم غيره إخراج زكاة الفطر عنه فأخرج هو عن نفسه بدون إذن من تلزمه أجزأت لأنها وجبت عليه ابتداء والغير متحمل لها غير أصيل أو متحمل عليها أو متحمل لها غير أصيل وإن أخرج شخص عن شخص لا تلزمه نفقته بإذنه أجزأت وبدون إذنه لا تجزي. Le Cheikh ici il explique que celui qui a donné à quelqu'un d'autre la charge de faire sortir sa zakat al-fitr pour lui, et qu'il l'a sorti pour lui-même, sans sa permission, disons sans la permission, biduni ibni man talzimuhu, ajza'at, fa akhrajahu an nafsi, biduni ibni man talzimuhu, c'est-à-dire, si par exemple, tu demandes à quelqu'un, ok, tu as demandé à quelqu'un de faire sortir la zakat pour toi. Tu as demandé à quelqu'un de faire sortir la zakat pour toi. Et que lui, il fait sortir pour lui-même sans la permission de la personne qui lui a demandé de le faire. Il dit que ça compte dans ce cas-là. Mais c'est juste que la phrase ici est un petit peu difficile à comprendre. Il dit man lazima ghayrahu, man lazima ghayrahu ikhraj al-fitra anhu fa akhraja huwa an nafsihi biduni idhni man talzimuhu ajza'at li'annaha wajabat 'alayhi ibtida'an wal ghayr mutahammal laha ghayr asil. Ok, je vais juste expliquer la deuxième partie de ce point là. C'est que si par exemple une personne demande à une autre, disons une personne sort la zakat pour quelqu'un d'autre avec sa permission, dans ce cas là ça c'est calculé, c'est à dire ça compte. Toutefois, si il la sort sans sa permission, ça compte pas. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'est pas sous ta charge, hein, quelqu'un, c'est par exemple un de tes amis, ou quelqu'un qui n'est pas dans ceux qui sont sous ta charge. Toi, tu veux faire une bonne action, puis tu veux payer la zakat pour lui. Tu dis bon, moi, je vais sortir la zakat pour cette personne-là. Comme ça, il n'a pas besoin de la faire sortir lui-même. Si tu le fais avec sa permission, ça, dans ce cas-là, ça compte. Mais si tu la sors sans avoir eu sa permission avant, dans ce cas-là, ça compte pas. D'accord? Donc, il doit quand même la faire sortir pour lui-même si tu l'as fait sortir sans sa permission. Mais la première partie, c'est an lazima ghayrahu ikhraj zakat al-fitr anhu. Si tu demandes à quelqu'un de faire sortir la zakat al-fitr pour toi, et lui, cette personne-là, il fait sortir pour lui-même sans la permission de la personne qui lui a demandé, sans ta permission. Supposons que toi, tu demandes à quelqu'un de faire sortir la zakat pour toi, puis que lui, il fait sortir sa zakat à lui sans ta permission, ça compte. Parce qu'elle est obligatoire pour lui en premier, et pour quelqu'un d'autre, c'est-à-dire pour toi, elle n'est pas à la base obligatoire pour lui. Donc c'est ça ce que ça veut dire, ce que le cheikh a écrit là. Donc ça voudrait dire par exemple que, d'après ce que je comprends, si tu donnes à quelqu'un de l'argent pour qu'il sorte la zakat le fait à ta place, puis que lui, il fait sortir sa zakat à lui, à partir de cet argent-là, ça compte. Mais bon, c'est pas clair. Donc, il y a un point d'interrogation à cet endroit-là, juste pour vérification plus tard, inshallah. Après, il dit وَلِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ إِخْرَاجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ غَيْرِهِ أَنْ يُخْرِجْ فِطْرَةَ ذَلِكَ الْغَيْرِ مَعَ فِطْرَتِهِ فِي الْمَكَانَ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَلَوْ كَانَ الْمُخْرَجَ عَنْهُ فِي مَكَانٍ آخَرٍ. Il dit, la personne pour qui c'est obligatoire pour toi de faire sortir sa zakat, tu l'as fait sortir pour cette personne-là, à l'endroit où tu es, même si cette personne pour qui tu l'as fait sortir est dans un autre endroit. Ok? Donc, ça veut dire, supposons que quelqu'un est ici au Canada, et son frère, pas son frère, mais disons son fils et par exemple en Europe. Et donc c'est obligatoire pour lui de faire sortir la zakat pour sa famille. Donc il doit calculer et donner la zakat al-fitr à des pauvres là où il vit, et il calcule celle de son fils et il la donne, même si son fils n'est pas avec lui dans le même pays. Donc c'est ça, c'est ce que le cheikh dit ici. Après il dit wa nuhibbu an nanqul laka kalaman ibn al-qayyim fi jins al-mukhraj fi zakat fi zakat al-fitr. قال رحمه الله ولما ذكر الأنواع الخمسة الواردة في الحديث وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان وهذا قول جمهور العلماء وهو الصواب الذي لا يقال بغيره إذ المقصود سد خلة المساكين نعم سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم وعلى هذا فيجزئ الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث أما إخراج الخبز أو الطعام فإنه وإن كان أنفع للمساكين لقلة المؤونة والكلفة فيه فقد يكون الحب أنفع لطول بقائه نعم donc الشيخ ici il dit que Il dit, et j'aimerais vous mentionner les paroles de Ibn al-Qayyim au sujet de ce qui a été dit par rapport à la catégorie de nourriture qu'on doit faire sortir pour Zakat al-Fitr. Et il dit que c'est pas obligé d'être les cinq catégories de nourriture qui sont mentionnées dans le hadith. Il dit, ça peut être d'autres catégories de nourriture que ça aussi. Il dit parce que ça, c'était les nourritures qui étaient connues à l'époque à Médine, Al-Madina al-Munawara, Al-Madina al-Nabawiya, comme on dit. Mais pour les gens d'un autre pays ou d'une autre région, ça se peut que ce soit d'autres choses que ces catégories de nourriture-là qui sont plus connues dans leur pays. Donc, il doit donner une sa' de la nourriture qu'il mange dans le pays où il est. Si par exemple dans d'autres pays, il dit que par exemple si leur nourriture c'est d'autres grains ou d'autres choses que des grains, comme par exemple du laban, du lait, ou bien de la viande ou du poisson, eh bien il doit faire sortir la fitra, le zakat al-fitr, de ces catégories de nourriture-là. Et ça, c'est la position de la majorité des ulama, et il dit que c'est la position qui est correcte, et qu'on ne peut pas dire autre que cette position-là. Et le but de zakat al-fitr, le but de ça, c'est pour que les pauvres, ce jour-là, aient quelque chose à manger, et qui sont de la nourriture qui sont mangées parmi les gens de leur pays. Et donc, il dit qu'on peut donner donc ad-daqiq, c'est une catégorie de... En fait, c'est de la farine, ad-daqiq. On peut même donner de la farine, même si ce n'est pas mentionné dans le hadith. Et il dit même qu'on peut donner soit du pain ou de la nourriture déjà prête, même si il dit que c'est mieux de donner d'autres choses que ça. Il dit فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ أَنْفَعُ لِلْمَسَاكِينَ. Il dit c'est vrai que ça, c'est de donner la nourriture ou le pain ou des trucs comme ça, c'est plus bénéfique pour les pauvres parce que ça donne moins de difficultés pour préparer puis arranger tout ça. Toutefois, ça dure moins longtemps que les grains. Donc, il y a un avantage d'un côté, mais d'un autre côté, il y a un désavantage. Toutefois, comme le cheikh Saleh Al-Fawzan, il expliquait que l'important, le but de Zakat al-Fitr, c'est pas pour que les pauvres aient, disons, une quantité de nourriture qui va durer pendant des mois et des mois, mais l'important ou la sagesse de Zakat al-Fitr, c'est que les pauvres trouvent quelque chose à manger pour le jour de fête, pour que ce jour-là en particulier, ils aient quelque chose à manger. Donc c'est ça le but. Et après il dit وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويخرج من قوت بلده مثل الأرز وغيره ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء وهو الصح الأقوال فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء. أوكي. Donc le cheikh il dit que le cheikh Ibn Taymiyyah, cheikh l'islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit que on doit faire sortir le zakat al-fitr de la nourriture que les gens mangent dans la région où ils vivent, comme par exemple le riz ou d'autres catégories de nourriture. Même s'il est capable de faire sortir les catégories mentionnées dans le hadith qu'on a mentionné, soit al-bur ou al-sha'ir ou al-tamr ou d'autres choses qui ont été mentionnées dans le hadith, mais comme on dit, si c'est d'autres nourritures qui sont utilisées ou mangées dans ce pays-là, alors il sort la zakat al-fitr dans d'autres catégories de nourriture sans problème. Et il dit que c'est une des narrations mentionnées selon Ahmad, l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et la majorité des ulama disent ça aussi. Et il dit que c'est la meilleure, la plus correcte parmi les opinions des ulama. Parce que à la base, le but de Zakat al-Fitr, c'est, ou le but de la Zakat en général aussi, c'est de veiller au bien-être des pauvres et de penser à leur bien. Donc, d'avoir de l'intention, de l'intérêt pour eux. Donc, il faut voir à qu'est-ce qui va leur faire le plus de bien possible. Cheikh il dit, « وَأَمَّا إِخْرَاجُ الْقِيمَ عَنْ زَكَاتَ الْفِتْرِ بِأَنْ يُدْفَعْ بَدَلَهَا دَرَاهِمْ فَهُوَ خِلَافُ السُّنَّةِ فَلَا يُجْزِي لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِخْرَاجُ الْقِيمَ فِي زَكَاتَ الْفِتْرِ قال الإمام أحمد لا يعطى القيمة قيل له وقوم يقولون إن عمر ابن عبد العزيز كان يأخذ القيمة قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان وقد قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا الحديث. Qu'est-ce qu'il dit le chef? Il dit, en ce qui concerne le fait de sortir la valeur de la zakat al-fitr, comme si tu le sors en argent, il dit, ça c'est contraire à la sunna. Et il dit que ça compte pas. Si tu l'as fait sortir en argent, ça compte pas. Si tu donnes l'argent à quelqu'un, tu lui dis, je te donne la responsabilité de faire sortir la zakat al-fitr pour moi avant la salat de Eid, et que la personne accepte et qu'il donne la zakat al-fitr avant salat al-Eid, dans ce cas-là, ça compte. C'est correct parce que tu as donné la responsabilité. Hein? Mais si tu donnes juste l'argent à quelqu'un, tu dis va manger quelque chose avec ça, ça compte pas. Il faut que tu lui donnes la nourriture. Tu peux pas donner de l'argent. Ou bien si tu donnes la, disons comme il y en a des gens qui donnaient à la mosquée. Et le principe de ça, c'est qu'ils disent, on donne à la mosquée, et la mosquée, eux, avec l'argent, ils vont acheter la nourriture. C'est comme si on leur donne la responsabilité de se faire sortir la zakat pour nous, en notre nom. Et si c'était possible de respecter le temps et de distribuer zakat al-fitr aux gens qui la méritent à temps, Dans ce cas-là, c'est sûr que ce serait acceptable. Toutefois, c'est très difficile à respecter ces conditions-là, et c'est très rare que les mosquées respectent. Wallahu a'lam. Donc, le mieux c'est de le donner soi-même, et comme ça on est certain qu'on l'a donné à temps, et qu'elle est arrivée à temps aux personnes qui la méritent. Et le cheikh, il dit donc que ça n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on ait payé la zakat al-fitr ou qu'on ait donné la zakat al-fitr en argent à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit ça, et les sahaba n'ont jamais fait ça. Aucun d'entre eux, ça a été rapporté à son sujet qu'il aurait sorti la zakat en argent. Alors qu'ils avaient de l'argent à l'époque, ils utilisaient de l'or et de l'argent, des pièces, comme monnaie. Et donc, ils auraient pu faire sortir zakat al-fitr en argent, toutefois, ils ne l'ont pas fait. Ça prouve que la sunna, c'est de faire sortir zakat al-fitr en nourriture. Le cheikh dit ensuite, وَقَالَ l'imam Ahmed, il dit que l'imam Ahmed a dit, on ne doit pas donner la valeur. Et on lui a répondu, certaines personnes disent que Omar ibn Abdul Aziz acceptait ou prenait la valeur ou le prix de la zakat al-fitr. Et l'imam Ahmed a répondu en disant, il laisse la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ils disent, un tel a dit. Hein, en voulant dire, comment ils peuvent faire une chose pareille? Comment ils peuvent laisser tomber la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et suivre la parole de quelqu'un d'autre? Et il dit, et alors que Ibn Omar a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de donner zakat al-fitr en sa. Et donc ça c'est clair que c'est une quantité de nourriture. ولا بد أن تصل الصدقة صدقة الفطر إلى مستحقها في الموعد المحدد لإخراجها أو تصل إلى وكيله الذي عمده في قبضها نيابة عنه فإن لم يجد الدافع من أراد دفعها إليه ولم يجد له وكيلا في الموعد المحدد وجب دفعها إلى آخر وهنا غلط بعض الناس بحيث يوضع زكاة الفطر عند شخص لم يوكله المستحق وهذا لا يعتبر إخراجا صحيحا لزكاة الفطر فيجب التنبيه عليه. الشيخ يقول qu'il faut absolument donc faire sortir la zakat pour la donner à ceux qui la méritent dans le temps qui a été limité et prescrit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire sortir cette zakat al-fitr. Ou il faut qu'elle arrive à la personne à qui on donne la charge de la donner. Ou tasrid ila wakilihi alladhi ammadahu fi qabdiha niyabatan anhu. Il faut que la zakat al-fitr arrive dans les mains de la personne à qui on a donné la charge de la donner à sa place. Et si tu ne trouves pas la personne à qui la donner, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الدَّافِعْ مَنْ أَرَادَ دَفْعَهَا إِلَيْهِ وَلَمْ يَجِدْ لَهُ وَكِيلًا فِي الْمَوْعِدَ الْمُحَدَّدْ وَجَبَ دَفْعُهَا إِلَى آخَرْ. Il dit que s'il n'a pas trouvé la personne à qui il a donné à temps, ou bien il n'a pas trouvé la personne responsable à qui il a donné, dans les limites du temps, alors dans ce cas-là, il la donne à quelqu'un d'autre que à celui qui la mérite. Et naam. وَهُنَا يَغْلَطُ بَعْضُ النَّاسِ بِحَيْثُ يُضَعْ زَكَاةَ الْفِطْرِ عِنْدَ شَخْصٍ لم يوكله المستحق. Il dit que certaines personnes font une erreur à ce sujet-là. Et il donne la zakat al-fitr, ou il laisse la zakat al-fitr chez une personne qui n'a pas été à qui on n'a pas donné la responsabilité de la donner, et que c'est une personne qui ne mérite pas, hein. Et donc le cheikh dit que dans ce cas-là, ça c'est pas considéré comme étant on n'est pas considéré comme ayant fait sortir la zakat al-fitr d'une façon correcte. Et donc il dit que c'est important de faire attention à ça. Il dit que certaines personnes font une erreur comme ça. Ils laissent la zakat al-fitr à celui qui ne la mérite pas, dans ce sens-là. Donc il dit qu'il faut faire attention à ce sujet-là. Et ensuite, il y a un autre point important, Babun fi ikhraj al-zakat, un chapitre au sujet du fait de faire sortir la zakat. Là, on ne parle pas de zakat al-fitr, mais on parle de la zakat en général. Certaines règles qui ont rapport avec le moment où on doit payer la zakat ou qu'on doit faire sortir la zakat. Cheikh il dit, inna min ahammi ahkam al-zakat معرفة مصرفها الشرعي لتكون واقعة موقعها ولتكون واقعة موقعها وواصلة إلى مستحقها حتى تبرأ بذلك ذمة الدافع. فاعلم أيها المسلم أنه تجب المبادرة بإخراج الزكاة فور وجوبها في المال لقوله تعالى وآتوا الزكاة، والأمر المطلق يقتضي الفورية. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خالطت الصدقة مالا إلا أهلكته. Non, donc ce hadith-là n'est pas mentionné. De toute façon, on va traduire qu'est-ce que le cheikh a dit. Donc ça, c'est au sujet de la question de faire sortir la zakat. Il dit que parmi les règles les plus importantes au sujet de la zakat, c'est de connaître les personnes à qui on doit donner la zakat, et de faire en sorte que la zakat arrive à la personne qui la mérite. Parce que si tu donnes la zakat à une personne et que cette personne-là n'est pas parmi les personnes à qui on doit donner la zakat, alors dans ce cas-là, on n'est pas considéré comme étant une zakat, ou bien on n'a pas vraiment fait sortir notre zakat. Et c'est pas accepté comme étant une zakat dans ce sens-là. Il faut la donner absolument aux personnes à qui c'est destiné la zakat. Il dit fa'lam ayyuhal muslim, donc il dit sache ô toi le musulman que c'est obligatoire de faire sortir la zakat le plus vite possible, hein, aussitôt que ça devient obligatoire, que le nisab est présent, puis que ça fait un an, à partir de ce moment là le plus vite possible tu dois faire sortir ta zakat. Et la preuve, le cheikh il mentionne la preuve en mentionnant le verset dans le Coran qui dit wa'atuz zakat, et donner la zakat. Et il dit que le verbe impératif, quand il est mentionné de façon absolue, donc ça implique que tu dois le faire sur le champ, et le plus vite possible. Il n'y a pas de retard qui est permis dans ces choses-là. Et il dit que c'est mentionné selon Aïcha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si une sadaqa reste mélangée avec tes biens, c'est-à-dire si ta zakat reste mélangée avec tes biens, elle fait périr tes biens. Et ça, c'est rapporté par Al-Bayhaqi, et on mentionne le numéro 7666. Donc ce hadith-là, toutefois, j'ai pas pu trouver parce que il est dans Al-Bayhaqi et j'ai pas ce livre malheureusement pour vérifier, et non plus j'ai pas trouvé dans les références que j'avais dans Irwa al-Halil ou d'autres livres. Donc je peux pas savoir exactement le degré de ce hadith-là en ce qui concerne son authenticité. Donc, Allahu a'lam. Toutefois, comme le cheikh il dit, que l'impératif dans le verset wa atu zakat, ça implique que tu dois l'appliquer sur le champ aussitôt que ça devient obligatoire. Il dit wa li anna hajat al faqir tastad'i al mubadara bi daf'iha ilayhi wa fi ta'khiriha idrar bihi wa li anna waqt wa li anna man wajabat alayhi ardatan li hulul al awa'iq ay nam wa li anna man wajabat alayhi ardatan li hulul al awa'iq al tari'a kal iflas wal maut وذلك يؤدي إلى بقائها في ذمته ولأن المبادرة بإخراجها أبعد عن الشح وأخلص للذمة وهو مرضاة للرب فلهذه المعاني يجب المبادرة بإخراج الزكاة وعدم تأخيرها إلا لضرورة كما لو أخرها ليدفعها إلى من هو أشد حاجة أو لغيبة المال ونحو ذلك الشيخ الزي que une des raisons pourquoi on doit donner la zakat le plus vite possible, c'est parce que le pauvre en a besoin. Et donc, si tu le fais attendre, eh bien, ça lui fait du tort. Et aussi, c'est que la personne pour qui il est obligatoire de faire sortir la zakat, il pourrait toujours avoir quelque chose qui vienne l'empêcher de la payer s'il retarde. Par exemple, il pourrait faire faillite, ou bien il pourrait mourir, ou des choses de ce genre. Donc, il ne sait pas qu'est-ce qui peut lui arriver s'il retarde. Alors, c'est préférable pour lui de la payer le plus vite possible, comme ça, son argent, sa zakat est payée, et donc il n'a plus cette obligation-là et cette responsabilité-là sur ses épaules. Et donc, ça veut dire que si jamais il meurt, au moins, ce sera déjà payé. Parce que sinon, ça reste comme une dette pour lui, que ses héritiers doivent payer. Donc, c'est mieux de s'en charger tout de suite. Et aussi, il dit le cheikh que lorsque tu la payes le plus vite possible, ça t'éloigne un peu plus de l'avarice. Et aussi, c'est plus pur, plus sincère dans ta façon de régler tes comptes et de régler tes obligations envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une chose qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça, c'est certains des points ou des significations pour lesquelles il est donc obligatoire de se dépêcher de payer la zakat et de faire sortir la zakat. Et de ne pas la retarder, excepté pour une nécessité. Comme par exemple, quelqu'un qui retarde de payer la zakat à la personne pour trouver la personne qui en a le plus de besoin. Ou bien quelqu'un qui retarde de payer la zakat parce que les biens en question ne sont pas avec lui en ce moment. Et donc il attend de pouvoir les avoir pour pouvoir payer la zakat. Et le cheikh dit « Watajibu az-zakat » fait mal à Sabi. Supposons que par exemple quelqu'un n'a pas payé la zakat pour plusieurs années, parce qu'il ne savait pas que c'était obligatoire pour lui, ou bien soit parce que il était, disons, insouciant ou inconscient. Et ben du moment qu'il sait, ou bien qu'il a oublié, du moment qu'il le sait, ou parfois des gens n'avaient pas réalisé qu'ils avaient la quantité du nisab. Ils n'avaient pas réalisé que c'était quoi la zakat, les règles, ils ne les connaissaient pas. Donc dans ce cas-là, ils paient pour les années qu'ils n'avaient pas payées en retard. Donc ils les payent. Et le cheikh il dit « وَتَجِبُوا الزَّكَاةِ فِي مَالَ الصَّبِيِّ وَمَالَ الْمَجْنُونِ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ وَيَتَوَلَّا إِخْرَاجُهَا عَنْهُمَا وَلِيُّهُمَا فِي الْمَالِ لأن ذلك حق وجب عليهما تدخله النيابة. Donc il dit que c'est obligatoire pour le responsable, le tuteur, de faire sortir l'argent d'un enfant Et même la personne qui est déficiente intellectuelle, si elle a si elle a une richesse, et que ça arrive, disons qu'il a le nisab et que son bien a dépassé une année, dans ce cas-là, il doit payer pour l'enfant, à la place de l'enfant, il paye la zakat avec ses biens, avec les biens de l'enfant. Supposons qu'un enfant a un héritage, par exemple, et qu'il est tout petit, mais il ne peut pas encore utiliser son argent, mais on doit quand même payer la zakat à partir de cet argent-là. Et aussi par rapport à ce qu'on avait expliqué la dernière fois, la semaine passée, par rapport à zakat uru de tijara, eh bien c'est ça, tu commences à calculer la zakat pour tes biens que tu as pour faire du commerce avec. Eh bien, tu commences à calculer la zakat du moment où tu te les as procurés dans l'intention de faire du commerce avec. Tu commences à compter, et là, après un an, et là, tu fais l'inventaire de la marchandise que tu possèdes, et tu sors la valeur de ces biens-là avec le reste de tes biens. Tu les additionnes ensemble avec ton argent. Et puis tu fais sortir la zakat si ça atteint le nisab et si ça fait un an, d'accord? Donc c'est de cette façon-là. Puis pour les biens que tu vends, d'après ce que j'ai compris la semaine passée, on avait dit pour la valeur, c'est la valeur de la marchandise au moment où tu dois payer la zakat dessus, et non pas la valeur que tu les as achetées nécessairement. Parce que, comme le chef Al-Fawzan l'a expliqué la dernière fois, ça se pourrait bien que, dans le but, ça se peut que la valeur de la marchandise, des fois elle augmente, et des fois elle diminue. Et donc ça, c'est pour ça que le chef disait que c'est de la justice pour le commerçant et pour le pauvre. Si la valeur de la marchandise elle a augmenté à son prix d'achat, donc c'est un bien pour le pauvre, et si elle a diminué, le prix est devenu plus bas que son prix d'achat, dans ce cas-là, c'est une justice pour le riche, pour la personne qui fait sortir sa zakat. Donc c'est ça. Mais sinon, bon, à ce sujet-là, c'est Wallahu a'lam, donc à ce sujet-là, mais il semblerait que ce soit la position du Cheikh Al-Fawzan là-dessus. Après, le Cheikh il dit وَلَا يَجُوزْ إِخْرَاجُ الزَّكَاءِ إِلَّا بِنِيَّةِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِخْرَاجُ الزَّكَاةِ عَمَلُ. Le Cheikh il dit qu'il n'est pas permis de faire sortir la zakat excepté avec l'intention, ou que ce soit avec l'intention de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et de le faire par obligation pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve de ça, bien sûr, c'est le hadith qui dit que les actions ne sont récompensées que selon leurs intentions. Et donc, de faire sortir la zakat, c'est une action, et donc ça fait partie des choses qui nécessitent une intention. والأفضل أن يتولى صاحب المال توزيع الزكاة ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها وله أن يوكل من يخرجها عنه وإن طلبها إمام المسلمين دفعها إليه أو يدفعها إلى الساعي وهو العامل وهو العامل الذي يرسله الإمام لجباية الزكوات. Le Cheikh il dit que c'est mieux de donner soi-même la zakat et de la distribuer soi-même pour être certain qu'elle va être donnée à ceux qui la méritent, à celui qui la mérite. Et il est permis également de charger quelqu'un, de mettre quelqu'un responsable de distribuer sa zakat pour lui. Et si le dirigeant musulman demande qu'on lui donne la zakat, qu'on lui remette à lui la zakat, dans ce cas-là, on lui donne. Et si sinon, si le dirigeant musulman a envoyé des responsables pour récolter la zakat, alors dans ce cas-là, on la donne à cette personne-là qui a été envoyée par le dirigeant. Et on l'appelle celui-là As-Sa'i, c'est celui qui travaille pour aller ramasser les zakat. Et le cheikh il mentionne, il dit wa yustahabbu عند دفع الزكاة أن يدعو الدافع والآخذ فيقول الدافع اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ويقول الآخذ آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا وقال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم أي أدعو لهم. قال عبد الله ابن أبي أوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي عليهم متفق عليه. Donc le chef il dit que c'est recommandé pour une personne lorsqu'elle donne la zakat de faire des douas, que la personne qui la donne et la personne qui la reçoit fasse un doua. Et il mentionne une parole ici qui dit que la personne qui donne, elle dit « Oh Allah, fais que ce soit quelque chose qui m'enrichisse, qui me donne du bien, et ne fais pas que ce soit pour moi comme une amende ou une dette, ou quelque chose que j'ai sur moi, à payer comme une amende. » Et toutefois, ça c'est mentionné, mais j'ai vérifié, puis c'est basé sur un hadith qui est maudou, c'est-à-dire qui est fabriqué, et il est mentionné dans Irwa al-Ghalil, le hadith, et c'est le numéro 852 dans Irwa al-Ghalil. Et il dit par la suite que celui qui le prend, qui reçoit la zakat, il dit que Allah te récompense pour qu'est-ce que tu as donné, et qu'il te bénisse pour qu'est-ce que tu as gardé, pour qu'est-ce qui te reste, et qu'il la rende pour toi comme une purification. Et il mentionne le verset à ce sujet-là, le verset 103 dans Surat At-Tawba, qui dit prends la zakat de leurs biens, c'est une sadaqa qui les purifie et qui les bénit, et fais un doa pour eux. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc, c'est la base, il se base là-dessus, et aussi sur le hadith qui est apporté par Al-Bukhari et Muslim, qui dit que Abdullah ibn Abi Awfa a dit que le messager sallallahu alayhi wa sallam, lorsque quelqu'un venait lui donner la sadaqa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait oh Allah, prie pour eux, prie sur eux, Allahumma salli alayhim, c'est-à-dire oh Allah, prie sur eux ou envoie ta bénédiction sur eux. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari, Muslim. Donc, ce serait basé là-dessus. Toutefois, le hadith lui-même, ou bien pas le hadith lui-même, mais la formule elle-même que le cheikh a mentionné à ce sujet-là, j'ai pas trouvé le hadith qui mentionne ça. Donc, comme l'autre est maudou, il se peut bien que celle-là, l'autre aussi soit pas authentique, mais il faudra vérifier là-dessus. Toutefois, on peut se limiter au hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma salli alayhim à ce sujet-là. Donc il y a quand même une base ou une référence là-dessus, puis il y a aussi le verset qui confirme ça aussi. Après le cheikh dit wa idha kana ash-shakhs muhtajan wa min 'adatihi akhdh az-zaka wa daf'aha ilayhi duna an yaqul hadhihi zaka li'an la yuhrijahu وإن كان محتاجا ولم يكن من عادته أخذ الزكاة أعلمه بأنها زكاة. Le cheikh il dit que si la personne a un besoin, et que en général il a l'habitude de prendre la zaka, il lui donne sans qu'il ait à dire voici une zaka, pour pas le gêner, pour pas gêner la personne. Il lui donne cette personne-là avait l'habitude de lui donner sa zakat, il lui donne sans qu'il ait besoin de lui dire que c'est une zakat pour pas la, pour pas le, la, gêner la personne. Non. Toutefois, si c'est une personne qui est dans le besoin et qu'il n'avait pas l'habitude de prendre la zakat, alors il lui donne et il lui dit « Voici ma zakat ». Cheikh il dit « وَالْأَفْضَلْ إِخْرَاجُ الزَّكَاتِ كُلِّ مَالٍ فِي بَلَدِهِ بِأَنْ يُوزِعْهَا عَلَى فُقَرَاءِ ذَلِكَ الْبَلَدَ الَّذِي فِيهِ الْمَالِ وَيَجُوزُ نَقْلُهَا إِلَى بَلَدٍ آخَرٍ لِمَصْلَحَةٍ شَرْعِيَّةٍ كَأَنْ يَكُونَ لَهُ قَرَابَةٌ محتاجون ببلد آخر أو من هم أشد حاجة منه ممن هم في البلد الذي فيه المال لأن الصدقات كانت تنقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فيفرقها في فقراء المهاجرين والأنصار. Okay, donc le cheikh il dit qu'il est mieux de faire sortir la zakat dans le pays où tu es et de la distribuer pour les pauvres dans le pays où les biens sont, où sont les, dans le pays où sont les biens. Et il est permis d'envoyer ou d'amener la zakat à une autre, dans une autre région ou dans un autre pays, s'il y a un bienfait légal à ça. Par exemple, qu'il y ait dans un autre pays des proches qui soient dans le besoin. Dans ce cas-là, s'ils ont plus besoin, eux, de cet argent-là, hein, donc on leur envoie. Il dit aussi que si, par exemple, dans un autre pays, il y a des gens qui ont plus de besoin de l'argent des sadaqat, dans ce cas-là, on peut la distribuer dans un autre pays. Il dit parce que les sadaqat, elles étaient distribuées et envoyées parfois à Médine, et on la divisait pour les pauvres parmi les muhajirin et les ansar à Médine. Et le cheikh il dit, donc en bas c'est marqué « وَهَذَا مُسْتَفَادٌ مِنْ إِسْتِقْرَاءِ الْأَحَادِيثِ وَقَدْ ثَبَتَ مَضْمُونُهُ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثِ. Il y a plusieurs preuves de ça qui sont comprises en lisant différents hadiths. On voit que c'est mentionné, puis on peut comprendre que c'était comme ça. Donc, à ce point-là, c'est clair. D'accord? La différence, c'est que tantôt, on a mentionné la zakat al-fitr, et zakat al-fitr, bien entendu, c'est limité par un temps, hein, et le temps est court. Tandis que la zakat, il faut la donner le plus vite possible, mais toutefois, il n'y a pas cette limite de temps qui est aussi serrée que pour zakat al-fitr. Donc c'est quand même, il y a une différence entre les deux. Le cheikh dit ويجب على إمام المسلمين بعث السعاه قرب زمن وجوب الزكاة لقبض زكاة الأموال الظاهرة كسائمة بهيمة الأنعام والزروع والثمار بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه رضي الله عنهم من بعده وجرى عليه عمل المسلمين لأن من الناس من لو ترك لم يخرج الزكاة ومنهم من يجعل وجوب الزكاة من يجهل وجوب الزكاة فإرسال السعاة فيه تدارك لهذا الخطر وفي بعث السعاة أيضا تخفيف على الناس وإعانة لهم على أداء الواجب. Le cheikh il dit que c'est obligatoire pour le dirigeant musulman d'envoyer les gens pour aller ramasser la zakat lorsque le temps est proche de l'obligation de la zakat pour qu'ils puissent ramasser la zakat dans les biens qui sont apparents, comme par exemple les bestiaux et aussi les fruits et les récoltes des grains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ça, ainsi que les sahaba, les khulafa rachidin après lui, ils faisaient ça également. Et c'est comme ça que les musulmans ont fait siècle après siècle. Et le cheikh il dit que si on laissait les gens comme ça, sans envoyer des responsables pour aller ramasser la zakat, surtout pour les bêtes et pour les récoltes, de céréales et de fruits, eh bien, souvent, les gens ne feraient pas sortir leur zakat. Et en particulier parce que les gens, souvent, ils ignorent l'obligation de la zakat et ils connaissent pas toujours les règles. Tandis que si on leur envoie des gens pour aller la ramasser, dans ce cas-là, eux, ils connaissent les règles, ils connaissent le temps et tout. Donc, ils vont, disons, alléger la charge des gens et faciliter les choses pour eux et les aider à donner ce qui est obligatoire à donner. Et ça, c'est pour les bêtes et les récoltes, pas pour l'argent. La zakat de l'argent, tu la donnes toi-même. Et on n'envoie pas des gens pour la récolter. Chaque personne doit la prendre et la distribuer lui-même. والواجب على المسلم إخراج الزكاة عند وجوبها كما سبق من غير تأخير من غير تأخير ولا تردد ويجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وجوبها لحولين فأقل لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من ابن عباس ومن العباس صدقة سنتين كما رواه أحمد وأبو داود فيجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها إذا عقد سبب الوجوب عند الجمهور عند جمهور العلماء سواء كانت زكاة ماشية أو حبوب أو نقدين أو عروض تجارة إذا ملك النصاب وترك التعجيل أفضل خروجا من الخلاف. الشيخ الزي l'obligation pour le musulman, c'est de faire sortir la zakat lorsqu'elle est obligatoire, comme c'est mentionné dans plusieurs preuves qui montrent que c'est le cas, yani. Et comme on a mentionné ça dans le fait qu'il ne faut pas retarder ni hésiter pour faire sortir la zakat. Et le cheikh il dit « وَيَجُزُ تَعْجِيلُ إِخْرَاجِ الزَّكَةِ » Toutefois, c'est permis de faire sortir la zakat en avance. C'est-à-dire, tu sais que combien tu dois donner, par exemple, à la fin de l'année ou à la fin de l'année prochaine, eh bien, tu le sors en avance. Il dit ça, c'est permis. Et le maximum, c'est 2 ans. Tu peux faire sortir 2 ans à l'avance, ou moins. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a précipité la zakat de Al-Abbas de 2 ans. Et ça, c'est mentionné selon Ahmad et Abu Daoud, et c'est un hadith qui est Hassan, qui est dans Irwa al-Ghalil, et Cheikh Al-Albani a déclaré ce hadith Hassan, et c'est le hadith numéro 857. Donc, le Cheikh dit que c'est permis donc de précipiter la zakat et de la donner en avance, avant qu'elle soit obligatoire de la payer, lorsque les causes de l'obligation sont présentes, c'est-à-dire qu'il y a les conditions nécessaires. Et ça, c'est selon la majorité des ulama, ils disent que c'est permis. Peu importe que ce soit la zakat pour les bêtes, les animaux, ou bien la zakat pour les grains, ou de l'argent ou de l'or, ou bien des marchandises qu'on a pour vendre. Lorsqu'on arrive et qu'on a le nisab, donc ça, c'est permis c'est obligatoire de faire sortir cette zakat, et on peut la faire sortir en avance, mais toutefois, oui, il faut que t'aies la quantité minimum obligatoire, le nisab, mais c'est préférable d'éviter de la payer en avance et de la payer lorsque c'est obligatoire, pour éviter et pour sortir de la divergence d'opinion à ce sujet-là. D'accord? Donc ça, c'est la fin de cette question-là. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, et puis demain, bi'idhnillah, le sujet dont on va parler dans le dars à ce sujet-là, c'est on va expliquer à qui, c'est quoi les catégories de personnes, qui sont les catégories de personnes à qui on a l'obligation de donner notre zakat. Et aussi, on va parler de la sadaqa en général qui est recommandée. Et donc ça, ce sera la fin du chapitre de la zakat. Et donc la semaine prochaine, Inch'Allah, on pourra commencer le chapitre du jeûne, bi'idhnillah. Donc on s'arrête ici, inshallah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.